Marie-Ange Zeiman. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Donc voici d'abord les principaux titres. Le gouvernement burundais a organisé une marche manifestation devant l'ambassade de la France au Burundi pour s'insurger contre la résolution des Nations Unies d'envoyer au Burundi plus de 200 policiers qui viendraient aider dans le respect des droits de l'homme au Burundi. Pour le ministre de l'Intérieur, cette décision montre plutôt une attitude d'humiliation au moment où Léonce Ngendakumana du parti Frodebout voit plutôt que le Burundi est dans l'obligation d'accepter cette décision. Certains parents de la zone Kanyosha dénoncent le paiement de 10 000 francs burundais représentant les frais d'inscription pour les enfants qui entrent dans les premières années. Malgré la mesure de gratuité de la scolarisation, les directeurs de ces écoles disent que même si cette gratuité de la scolarisation est garantie, cela ne signifie pas que les parents ne peuvent pas payer quelques frais pour leurs enfants. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonsoir. Le gouvernement du Burundi a organisé ce samedi une marche manifestation contre la résolution des Nations Unies qui vise à envoyer plus de 200 policiers qui viendraient comme observateurs pour tenter de ramener la paix et faire respecter les droits de l'homme au Burundi. Cette marche manifestation a été faite devant l'ambassade de la France au Burundi. Le ministre de l'Intérieur qualifie cette mesure comme une humiliation. Le point avec Placide Niyomongele qui s'est rendu sur les lieux. Nous voilà devant l'ambassade de la France où s'est rassemblée la population mobilisée en mairie de Bujumbura pour contester la nouvelle résolution des Nations Unies 2303 qui prévoit l'envoi de 228 casques bleus pour le maintien de la paix au Burundi. Ce manifestant en marche indique qu'il veut montrer que son pays est en mesure de s'organiser. Les autres peuvent voir à partir de la France, il y a un message à travers cette marche manifestation. Et tout le monde est en mesure de lire entre les lignes le message ici, surtout que le Burundi est indépendant, souverain, qu'il est en mesure d'organiser le pays comme il l'entend et non ne pas être subjugué par d'autres nations. Freddy Monima, maire de la ville de Bujumbura, dans son allocution, trouve que la France devrait tirer la couverture chez soi vu la fréquence des attentats suicides qui sont devenus monnaie courante. Il révèle plutôt que le Burundi est prêt à contribuer pour le retour de la paix en France. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas pourquoi nos frères français, en particulier les dirigeants de la France, continuent à nous embêter alors que la paix et la sécurité règnent chez nous. Nous savons que les Français traversent en ce moment des moments difficiles et ça nous inquiète tous parce que personne ne peut accepter les actions terroristes. Nous avons accepté que nous allons lutter ensemble contre le terrorisme au Burundi, en France et même au monde entier. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de manifester notre désolation qui n'est pas aussi grande parce que nous espérons que cette décision a été prise dans l'intention de nous tenter. Nous sommes donc ici pour dire que nous avons la paix. Nous sommes également prêts à contribuer pour le retour de la paix là où il n'y en a pas et vous connaissez vous-même cet endroit. Nous pouvons donc leur envoyer des forces de l'ordre pour les aider. C'est le Deo Rumelinoa, le secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur, qui a lu le message du gouvernement. Cette décision est une attitude d'humiliation. Nous nous insurgeons contre la France sur leur mauvais comportement de réintroduire aux Nations Unies une mauvaise résolution d'envoyer au Burundi des policiers des Nations Unies alors que nous connaissons en ce moment une période de paix et de sécurité. C'est vraiment une attitude d'humiliation comme celle que les Français ont déposée au Rwanda en 1994. Ces manifestants scandaient des slogans et chansons où on pouvait lire que la France ne peut pas installer un président au Burundi. Merci à Placide Niyomongele. Puis le vice-président du parti Frodebout estime que le Burundi est dans l'obligation d'accepter le déploiement de ses policiers ici au Burundi, car les Burundais ont été incapables d'assurer la sécurité dans tout le territoire burundais. Léonce Ngendakumana propose plutôt le dialogue entre Burundi pour négocier le rétablissement de la paix. Écoutez plutôt Léonce Ngendakumana, joint au téléphone par Médard Niyongo. nous sommes dans l'obligation d'accepter l'envoi de ces policiers parce que nous avons été incapables d'assurer la sécurité de tous les citoyens, d'assurer même la sécurité des frontières du pays. Le Conseil de sécurité ne peut pas s'amuser à se réunir sur un pays et prendre une telle décision quand la situation n'est pas suffisamment grave. Ça, c'est un témoignage assez évident que la situation sociopolitique, sécuritaire, économique, la situation des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques au Burundi est déplorable, qu'elle est très grave. Pour moi, ils ont tardé d'ailleurs à envoyer ces policiers pour d'abord faire cette observation et pour aider les Burundais au rétablissement de la paix et de la sécurité. Les autorités burundaises disent que le pays est stable, voire la circulation, les mouvements de la population. On dit que la paix est vraiment garantie ici au Burundi. Ça, c'est un slogan. J'irai très loin pour dire que ceux qui le disent, ils se moquent des Burundais. Ceux qui le disent, est-ce qu'ils vivent réellement dans ce pays où on observe chaque jour des cas d'assassinat politique, des cas d'enlèvement et de disparition des citoyens? Il n'y a pas longtemps, un journaliste a été arrêté à Bugarama, en province de Muranga. Jusqu'aujourd'hui, il est porté disparu. Certainement qu'il est déjà mort. Il n'y a pas de sécurité, il faut qu'on soit conséquent. Avec le médiateur, il faut négocier l'arrêt des violences, il faut négocier le rétablissement de la paix et de la sécurité à travers la réinstauration des corps de défense et de sécurité conformément à l'accord d'Arusha. Il faut négocier le désarmement de la milice Imbonerakure et de ces autres mouvements politiques armés en gestation qu'on entend à gauche à droite. Il faut négocier pour normaliser les relations entre le Burundi et ses voisins et avec le reste de la communauté internationale. Il faut négocier pour tirer le redressement de notre économie. C'est là où on va dire qu'il n'y a pas d'insécurité dans le pays. C'est là où on va effectivement assister à une instabilité où tous les citoyens vont se mouvoir librement dans le pays. Toujours en rapport avec la résolution, le parti Parena se réjouit de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU votant le déploiement de 228 policiers au Burundi. Le président de ce parti fait savoir que malgré l'effectif léger, ce déploiement est nécessaire et le gouvernement devait à son tour s'en réjouir puisque ce ne sont que des observateurs. Pour le Parena, on se félicite du principe que le Conseil de sécurité se penche sur la question burundaise. Vous savez qu'à un certain moment, l'OIWA a proposé 5000 hommes, le Conseil de sécurité également, mais ça a posé des problèmes au sein même du Conseil. Mais on se félicite déjà du fait que le Conseil de sécurité reste préoccupé par la question burundaise. En ce qui concerne les effectifs et la mission, nous estimons que c'est très peu. Et du côté du gouvernement, comme le gouvernement a toujours affirmé qu'il n'y a aucun problème au Burundi, il devrait se féliciter alors de l'effectif léger des observateurs. Sinon, rien n'a observé, tant mieux. S'il a observé, la situation pourra évoluer en fonction. Et voilà la délégation du Burundi qui avait été partie, la délégation du gouvernement burundais qui était partie à Genève en Suisse pour l'examen spécial contre les allégations de torture qui seraient commises au Burundi, s'est retirée de cette activité avant la deuxième séance de cet examen, avant que plutôt la deuxième séance de cet examen en débute. Cette délégation conduite par le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Aimé Laurentine Kanyana, a préféré envoyer la position du gouvernement dans un document écrit. Cette délégation indique que le gouvernement du Burundi demande suffisamment de temps pour pouvoir vérifier les dénonciations portées contre le Burundi et délibérer sur les mesures à adopter. Le gouvernement du Burundi se félicitait plutôt de la discussion initiée par le comité contre la torture aux Nations Unies, mais estime que le comité devrait communiquer au préalable le dit rapport au gouvernement du Burundi. Isanganiro, la radio de l'avenir. Certains parents de la zone urbaine de Kanyosha dénoncent le paiement de 10 000 francs burundais pour les enfants inscrits en premières années et de l'école primaire sur trois écoles de cette zone. Deux directeurs sur trois expliquent que ce paiement par le souci de gestion des écoles, notamment l'achat des bancs pupitres et la construction d'un mur d'une école. La gratuité de l'enseignement ne signifie pas que les parents sont exemptés de payer quelques frais pour leurs enfants, dit Hakizimana Juvenal, directeur de l'école fondamentale Kanyosha 3, Mireille Kanyangé, pour les détails. Le paiement de 10 000 francs pour chaque élève qui s'inscrit en première année primaire, faisant objet de plaintes de certains parents de la zone Kanyosha, est constaté dans certaines écoles. L'école dite Chepatiri, celle de la brigade, ainsi que l'école fondamentale Kanyosha 1, dite Chemakasi. Le directeur de l'école dite de la brigade explique que ces 10 000 francs bouts serviront à ériger en mur de cette école, une école située tout près des habitations. Juvenal Hakizimana, directeur de l'école fondamentale Kanyosha 1, explique que le nombre élevé des élèves qui s'assoient à même le sol a poussé la direction et le comité de gestion de l'école à se convenir sur cette somme. Nous avons vu que notre école a besoin de bancs pupitres. Parce que l'année passée, on avait un problème où on avait des enfants qui s'asseyaient par terre ou des enfants qui s'asseyaient à 5 ou à 6 enfants par pupitre. Au vu alors de ce manque, nous avons jugé bon de chercher comment multiplier les bancs pupitres afin que les enfants puissent s'asseoir confortablement et comme ça suivre bien les cours. Ce n'est pas une mesure, c'est une convention que nous sommes convenus avec le comité représentatif des parents. Pour les parents qui se plaignent de ce paiement, Juvenal Hakizimana fait savoir que la gratuité de l'enseignement ne signifie pas que le parent est quitté de tout. Non, il doit faire à ce que son enfant puisse étudier dans de bonnes conditions. Alors, cette gratuité, c'est-à-dire que le gouvernement ou l'État ne demande aucune somme d'argent de la part d'un parent. L'école fondamentale Kanyosha 1 compte environ 7000 élèves avec environ 700 bancs pupitres. Merci à Mireille. Page de sécurité de ce jour. Une personne est morte et 4 autres blessés lors d'un accident de roulage qui a eu lieu à Banga, en commune Matongo de la province Kayanza. Un bus Otraco en provenance de l'Ouganda est entré en collision avec un autre véhicule de marque Hilux. 3 personnes, dont un qui était à pied, est morte. Parmi les 4 personnes blessées, 2 marchaient aussi dans la rue. Et puis, Saïdi Naïmana, chauffeur de Lumongue, habitant le quartier Swahili, a été arrêté ce samedi matin par la police à Lumongue. Des sources policières disent que ce chauffeur est accusé de déplacer souvent les combattants et leurs armes et munitions. Il avait plutôt échappé la nuit de mercredi, selon toujours la police à Lumongue. Les proches de ce chauffeur rejettent ces accusations et parlent plutôt d'un montage. Et puis le journaliste Jean Bigrimana du journal Iwachu et correspondant du journal La Ligne Info Grand Lac est toujours porté disparu depuis vendredi de la semaine passée. Sa famille et le groupe de presse Iwachu s'inquiètent pour sa vie. Célébration de la Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des êtres humains. Ce samedi, le 30 juillet 2016, le président de l'ONLCT, où est ton frère Prime Baloukeye, dit que beaucoup de femmes et filles burundaises ont pris la direction des pays arabes pour y chercher la vie et elles y sont maltraitées. Et il demande au gouvernement burundais d'envoyer une délégation du gouvernement pour leur venir en aide, Maître Prime Baloukeye. Dans les 3 mois passés, nos statistiques nous révèlent qu'au moins plus de 260 victimes ont été trafiquées vers l'Oman et l'Arabie Saoudite. Il s'agit de jeunes filles ou de femmes qui sont vraiment tombées dans les mailles du filet des trafiquants. Nous assistons à une prolifération justement de femmes ou de filles qui ont la soif de partir pour l'étranger à la recherche du travail. Parce qu'arriver là-bas, ils commencent à être maltraités ou malmenés via les travaux forcés, les travaux durs, prostitution. On peut même les trafiquer des organes. C'est une situation vraiment qui dépasse l'entendement, qui est vraiment à bannir. Alors, on est resté où est ton frère? Nous disons que cette journée soit vraiment une occasion de prise de conscience de tous les Burundais, voir comment éradiquer ce phénomène. Nous profitons justement de cette occasion pour demander au gouvernement de la République du Burundi de pouvoir dépêcher une délégation vers ces pays de destination afin de pouvoir trouver des voies et moyens pour procéder à leur rapatriement immédiat. Les agriculteurs du Burundi proposent qu'on recense les plantations de thé dans tout le pays. Manila Kizapol, représentant de la Confédération nationale des associations des producteurs de thé, indique que leurs avantages sont parfois profités par des gens qui ne sont pas des agriculteurs plutôt. Cette idée est soutenue aussi par le directeur général de l'OTB qui ajoute qu'il y a des champs abandonné, mais toujours considéré comme existant, le point avec Père Célestin Diokoukal. La nécessité de faire un nouveau recensement des téiculteurs s'avère indispensable. Le président de la Confédération nationale des associations des producteurs du thé, qui le dit, fait savoir que les listes actuelles comportent des producteurs mentionnés plusieurs fois. Paul Manirakiza. données qu'on a, on voit que ces données ne sont pas vraiment correctes. C'est pourquoi nous voulons faire un nouveau recensement des producteurs, en même état aussi de certaines écoles. Alors, avec le nouveau système de collaboration avec la microfinance Mitec, qui octroie des crédits aux producteurs, on voit qu'il y a une sorte de perte. Il y a des agriculteurs qui sont recensés deux fois, voire même trois fois. Parce qu'un agriculteur sur cette colline peut avoir un autre champ sur une autre colline. Alors, quand l'OTB paye les frais de tenue de compte dans la microfinance, il paye pour un certain agriculteur doublement ou triplement. Pas seulement ça, il y a les frais d'opération. Pour un certain agriculteur, mais les frais augmentent. C'est pourquoi on demande son nouveau recensement pour que l'OTB ne continue pas à payer les frais supplémentaires aux producteurs qui n'existent pas. Même nous aussi, les producteurs, on va récupérer certains fonds qu'on dépense inutilement. Le directeur général de l'ETB salue cette idée d'un nouveau recensement pour Jacques Guilimana. C'est une façon d'éliminer les non-fictifs des téiculteurs. Avec l'intervention directe de téiculteurs en tant qu'usagers, nous aider à identifier les vrais téiculteurs afin d'établir le nombre fixe de nos téiculteurs. Parce qu'il y a des informations qui disent qu'il y aurait des téiculteurs. S'il faut même qu'on commande une audit externe, nous allons faire parce que ça va nous aider à pouvoir limiter les dépenses. Concernant ces noms fictifs, la responsabilité est du ressort des vulgarisateurs, comme certains agriculteurs le mentionnent. Merci à Blaise Célestin de Okugayo et puis à Lumongue, la régie des eaux a suspendu temporairement sa décision de recouvrement forcé des arriérés dans les écoles secondaires pour ne pas perturber la préparation et la passation de l'examen d'État. Cette maison avait pris la décision de couper l'eau et l'électricité au lycée de Lumongue cette semaine. Jean-Pierre Misago pour plus de détails. Le lycée Lumongue est parmi les écoles secondaires qui avaient été déjà frappées par le recouvrement forcé de la régie des eaux. Cette école a en effet vu le courant électrique dans ses enceintes coupées par la régie des eaux dès mardi de cette semaine avant son rétablissement deux jours après. Jean Bosco Hazarimana, responsable de la régie des eaux dans le sud du Burundi, dit qu'il s'agit d'une mesure prise sur demande du ministère ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions afin que les élèves qui se préparent à passer l'examen d'État édition 2016 logés à l'internat n'en soient pas victimes. Steven Yongabo, directeur général chargé des finances au ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, reconnaît que son ministère a formulé cette demande quitte à revenir après sur la question des impayés à la régie des eaux qui ne concerne d'ailleurs pas le seul ministère. Selon des sources à la régie des eaux, le lycée Lumongue doit à lui seul plus de 121 millions de francs burundais d'impayés sur l'eau et l'électricité consommée. Jean-Pierre Misago de Lumongue, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago de Lumongue. Rendons-nous à Kalusi où une femme a été assassinée par son mari et après le forfait, l'homme a enterré le corps de sa femme dans une latrine. Et voilà plus de détails avec Blaise Pascal Kalambi. Il répond au nom de cette victime d'Aïtengourouté. Un homme est accusé d'avoir assassiné son épouse la nuit de ce vendredi samedi vers 22h à la colline de Shanga de la commune Mugenyuzi de la province Kalusi. La police indique que cet homme l'avait étranglé et l'a enterré dans une toilette. Cet homme de 32 ans ne refuse pas qu'il a tué son épouse, mais explique qu'il a commis deux forfaits suite à l'ivresse. Il dit qu'ils venaient ensemble des cérémonies de mariage et arrivant à la maison, ils ont commencé à se disputer. Après le forfait, Daïtengrosé a pris la fuite vers la colline de Shanga de la commune de Vujiga, où il a été arrêté ce samedi même par la police de Vujiga. Au cachot du commissariat de police Kalusi, où il est actuellement. Il est avec la femme de son frère, aussi arrêtée ce samedi, accusée de complicité dans cet assassinat. Cette femme d'une origine d'Akimana a été surprise avec un enfant de 2 ans que la victime Espérance Similimana portait au dos parmi les 3 enfants qu'elle laisse derrière elle. Le procureur de la République à Kalusi indique que le parquet est en train de finaliser l'instruction de son dossier et affirme que le procès est déjà parmi les jugements de flagrance. Depuis Kalusi, Blaise Pascal Merci et c'est la fin de cette édition. François Kimana sur la mise en onde, Marie-Ange Zemana à la présentation. Bonne soirée à tout le monde.